Depuis que j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur X dans les circonstances que vous savez, je suis allé de surprise en surprise. En effet, mon mystérieux interlocuteur semble avoir des lumières sur les sujets les plus variés, les dossiers les plus divers. Et malgré mes efforts, je n'ai pu jusqu'à maintenant mettre en doute l'authenticité de ses révélations. En tout cas, je n'ai pu faire la preuve qu'il fabulait puisque son interprétation des affaires qu'il m'a racontées collait toujours exactement avec la vérité historique. Mais vous imaginez bien que je reste toujours sur mes gardes. Aussi, ce soir-là, quand M. X m'a confié avec le sourire qu'il voulait me parler de Dracula, alors Dracula, non. Que pouvait vraiment m'apprendre M. X sur un mythe aussi ancien, mais surtout éculé et exploité jusqu'à la corde par le cinéma et la littérature? Eh bien, autant vous l'avouer d'emblée, je me trompais. Et l'histoire que m'a contée M. X est proprement stupéfiante. Stupéfiante et surtout inquiétante. Mais je ne veux pas déflorer notre entretien. Aussi, avant la diffusion de ce nouvel enregistrement, me contenterai-je de vous donner quelques informations sur le vampire et le vampirisme. Pour les spécialistes, le vampire n'est qu'une expression de ce qu'ils appellent la spectropathie, c'est-à-dire la peur de la mort et du néant. Peur que l'homme a matérialisée sous diverses formes, revenants, fantômes et vampires. Mais c'est un écrivain anglais, Bram Stoker, qui lui a donné ses lettres de noblesse, si je puis dire, à la fin du siècle dernier en publiant son célèbre Dracula. Un livre qui arrivait à point dans une Angleterre victorienne, omnubilée par la mort et le sexe. Il ne faut pas oublier que c'est à la même époque que Jacques l'Éventreur sévit dans les bas-fonds de Londres. Et d'ailleurs, dans le roman de Bram Stoker, Dracula quitte sa Transylvanie et se rend à Londres où il va s'abreuver de sang. Il y a là plus qu'une coïncidence. J'ajoute, pour la petite histoire, que Bram Stoker était lui-même un pur produit de cette société victorienne, fuyant une épouse qui se refusait à lui pour se réfugier dans les exutoires fantasmatiques de l'époque, magie noire, occultisme et spiritisme, et peut-être d'autres plus matériels, puisque Stoker est mort de la syphilis. Mais je m'arrête là, dans un instant, nous partons avec Monsieur X pour la Transylvanie. Yeah. France Inter. Retrouvons Patrick Pénaud pour rendez-vous avec X. Avant tout, je voudrais savoir, pourquoi Dracula ? Oh, la curiosité, seulement la curiosité. Puis un peu de hasard, de chance, comme vous voudrez. Expliquez-moi. Ben, il se trouve qu'à la fin des années 50, j'ai fait un voyage à Bucarest. Un tourisme ? Pas vraiment, non. J'avais une mission à remplir, quelques difficultés à planir. Ouais, je vois encore des histoires de services secrets. Oui, si vous voulez. Bon, les Roumains, comme vous n'ignorez pas, nous ont souvent donné du fil à retordre. Enfin, passons. J'avais donc exécuté ma mission avec succès. Je m'apprêtais à rentrer en France quand j'ai reçu une invitation à dîner de notre ambassadeur. Je m'y suis rendu sans enthousiasme. Vous connaissez comme moi ce genre de soirée où on se rase copieusement. Enfin bon, divine surprise, on m'avait placé à côté d'une charmante jeune femme. Une Roumaine ? Oui, oui. C'était l'épouse d'un historien. Elle-même était universitaire, il me semble, oui. Et très vite, nous en sommes venus à parler de l'histoire légendaire de la Transylvanie. Donc, de Dracula. Bien sûr, vous remarquez qu'à l'époque, sous le régime communiste, c'était plutôt un sujet qui sentait le soufre. La République socialiste de Roumanie ne se glorifiait nullement d'être la patrie de Dracula, vous comprenez ? Ouais, y avait d'autres mythes plus porteurs, hein, celui de Nicolas Ceausescu, par exemple, non ? Exact, encore qu'à l'époque, Ceausescu n'était pas le numéro 1. Enfin, ouais, ça, c'est un détail. Il allait devenir. Hein. Oui, plus tard. Le lendemain, donc, très excité par cette conversation, je suis allé voir le mari de ma compagne de table. Et presque tout de suite, cet historien passionné d'ethnologie m'a proposé de retarder mon retour en France et de me guider jusqu'en Transylvanie, là où le véritable Dracula avait vécu. J'avoue que je n'ai pas réfléchi très longtemps et que j'ai accepté. Mais attends, quand vous dites le véritable Dracula... Oui, parce que sous le mythe, il y a une réalité historique. Enfin, je pense que vous le savez, Dracula, c'est Vlad Tepes. Mais en roumain, on prononce Tsepes. Un authentique prince qui a vécu au XVe siècle et qu'on appelle aussi d'ailleurs Vlad, l'empaleur. Charmant sobriquet, n'est-ce pas ? Enfin, Vlad, je vous l'assure, a tout fait pour le mériter. Mais le nom même de Dracula ? Il n'a pas été inventé non plus, parce que le père de Vlad, l'empaleur, s'appelait Dracul. Et lui-même s'est appelé Dracula, c'est-à-dire fils de Dracul. Mais bon, ce qui est très intéressant, c'est la signification de ce nom. Dracul, ou Dracul, en roumain, ça veut dire dragon. Mais ça signifie aussi diable. Et là, n'est-ce pas, on se rapproche de la légende. Tout à fait. À noter quand même que ce rapport entre Dracula, enfin le Dracula littéraire de Bram Stoker, et le personnage historique de Vlad l'Empaleur, ça a été fait beaucoup plus tardivement, à peu près à l'époque où... D'ailleurs, au moment où j'étais en Roumanie, je crois. Mais là... Pour revenir quelques années avant, quelques dizaines d'années avant, Bram Stoker, lui, comment il avait procédé pour raconter l'histoire de Dracula ? Bon, écoutez, à mon avis, il avait dû avoir connaissance des vieilles légendes transylvaniennes. Bon, parfois, l'intuition littéraire qui a de ses fulgurances extraordinaires. Bon, enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Et moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était d'essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce fameux Dracula et les lieux où il avait vécu. Donc, si je comprends bien, vous êtes parti pour les montagnes de Transylvanie en compagnie de votre ami historien. Oui. Et puis alors, en accomplissant ce voyage, j'allais, je ne le savais pas, au-devant d'émotions absolument extraordinaires. Ouais, je le mensonge. La main droite posée sur le cœur. Serais-je habillé sous la douche, ivre mort ou glacé de peur? Serais-je en train de rendre l'âme avec une parfaite inconnue? Serais-je assis seul à ma table dans la pénombre à demi nu? Je te regardais en face et te dis, j'ai fait ce que j'ai pu. Pourrais-je seulement briser la glace et toucher tes joues honte pue? Serais-je mieux pour demander grâce? Aurais-je ravalé mon orgueil? Mon étouffé-je se place. Qui peut savoir ce qu'on recueille? Ils ne sont pas suffisants, mille hommes ne sont pas assez forts. viens pas savonner la pente, ne viens pas compliquer mon sort. Mille vies ne sont pas suffisantes, mille hommes ne sont pas assez forts. Reviens si je suis un malin, ne reviens pas si je m'endors. À ma table, quelqu'un tu n'aimeras pas. Serais-je encore une fois coupable de faiblesse, de je ne sais quoi? Serais-je dans mon lit comme un ange, ruminant des mauvaises pensées, pressant la peau d'une ombre devant mes yeux pour m'éclairer? Mille vies ne sont pas suffisantes. Mille hommes ne sont pas assez forts. Ne viens pas savonner la pente, ne viens pas compliquer mon sort. Mille vies ne sont pas suffisantes. Mille hommes ne sont pas assez forts. Reviens si je suis à ma langue, ne reviens pas si je m'endors. Qui était Dracula, ou plutôt son modèle historique, Vlad l'Empaleur? Un personnage passionnant et d'abord, incontestablement, un héros national roumain, puisque ce prince n'a cessé d'essayer de bouter dehors l'envahisseur turc. Mais ce n'était pas Jeanne d'Arc, loin de là, hein, car les méthodes de Vlad étaient plutôt radicales, même à une époque où la vie humaine était peu de chose. Ainsi, il est à peu près établi que Vlad Dracula a torturé et empalé ses adversaires par milliers. Je cite deux auteurs, Raymond McNally et Radu Florescu, qui ont publié un livre sur Dracula chez Robert Laffont. Vlad a mis une sorte de génie infernal à perfectionner cette torture qui, entre toutes, avait ses faveurs. Les auteurs, bien sûr, parlent là du supplice du Pal. Ils poursuivent. Attention aux oreilles sensibles. Il employait des pieux ou des lances dont il prenait soin de faire arrondir la pointe afin d'éviter, autant que possible, des perforations qui eussent abrégé l'agonie et pour intensifier la souffrance provoquée par des plaies largement ouvertes. L'empalement proprement dit s'exécutait en général la victime couchée à terre, attelée à deux solides chevaux qui opéraient la traction nécessaire à l'introduction du pal, laquelle était conduite soigneusement de façon à ne pas tuer immédiatement le malheureux, ce qui aurait gâché le plaisir du prince qui aimait assister au supplice et voir ceux que l'on sacrifiait à sa folie sadique agoniser des heures, voire des jours. Il utilisait diverses méthodes d'empalement, le plus souvent selon l'âge, le sexe, le rang du supplicié. Par le fondement, donc le torturer debout, à l'inverse, par la bouche, les jambes en l'air, par le nombril, par les reins. Mais retrouvons M. X en route pour la Transylvanie. Ce qui m'intéressait par-dessus tout, c'était de voir le château de Dracula, enfin savoir s'il existait encore. Parce que nous tous qui avons lu le Bram Stoker ou qui avons vu les films sur Dracula, il y en a eu, hein. Oui, nous avons donc une image d'un château fantastique perché au sommet d'une montagne qui baigne perpétuellement dans les brumes. Enfin, ça fait rêver, non? Je rêvais, je ne sais pas si c'est tout à fait le mot exact. Ou alors, hein. Disons fantasmé. Ouais. Mais alors, ce château, est-ce que vous l'avez trouvé? Attendez. D'abord, il y a le paysage, qui est un paysage absolument fantastique. Une montagne rude, escarpée, avec des sommets enneigés, des gorges profondes, des torrents limpides mais glacés, et partout, mais alors partout, des forêts sombres, impénétrables. Ça fait rêver, comme vous dites. Oui, puis alors de temps en temps, entre tout ça, vous trouvez des villages où le temps semble s'être arrêté. À l'époque, c'était à la fin des années 50, je vous le rappelle. Les hommes portaient encore le costume traditionnel, avec une toque de fourrure, un gilet brodé et des chaussures en peau de porc. Les maisons étaient en bois, étaient souvent décorées de sculptures fort belles. On avait vraiment l'impression de se trouver au temps de Vlad l'Empaleur. Rien n'avait changé. Ouais. Ça devait effectivement être assez beau. Mais Vous saviez exactement où vous vouliez aller ? Oui, parce que mon guide, qui avait lu les chroniques du XVe siècle, avait des notions très précises de l'endroit où on pourrait, je dis bien on pourrait, trouver le château ou tout au moins ce qu'il devait en rester. Mon guide avait établi que le nid d'aigle de Dracula devait se trouver au sommet d'un piton, juste au-dessus du village d'Arefou, sur la rive gauche du torrent qui coule dans cette étroite vallée. Ouais, quand on vous écoute, ça a l'air relativement facile. Oui, relativement, parce que l'historien avait retrouvé une chronique locale assez étonnante. Hein, je peux vous la résumer, si vous voulez, parce qu'elle dépeint assez bien le personnage de Vlad l'Empaleur. Vlad, donc, voulait venger son père et son frère qui avaient été lâchement assassinés par des boyards. Donc, le jour de Pâques, il convoque le banc et l'arrière-banc de ses sujets pour fêter la résurrection du Seigneur. Et il offre un immense banquet. Parmi les invités, il y a ces fameux boyards félons. Vlad les laisse baffrer toute la journée. Et puis le soir venu, il ordonne à ses soldats d'enchaîner boyards, épouses et enfants. Et tout ça, c'est la chronique que oui, votre oui, ami oui, a trouvée. Oui, c'est la chronique que je vous raconte. Hein. Et ces prisonniers ont été obligés à ce moment-là de travailler pour Vlad et de construire son fameux château. Autant dire que cette construction dans un pays hostile et glacial, une construction qui a duré des mois ou des années, a vu nombre d'entre eux mourir de froid, de faim, d'épuisement ou de sévices. Mmh. Et Vlad avait inventé les travaux forcés. Ou les camps de concentration, oui. Ouais. Joli personnage. Hein. En tout cas, grâce à cette chronique, on pouvait à peu près donc situer le château. Ouais. Donc, si vous l'avez situé, enfin si votre ami historien l'a situé, hein, donc vous y allez. D'abord, nous nous sommes arrêtés au village d'Arefou. Je dois dire que lorsque nous avons prononcé le nom de Dracula, les visages se sont aussitôt fermés. Ouais, tu nous as expliqué, ils avaient peur. Oui, mais j'ai compris plus tard. Bon, ça, je vous expliquerai. Mais sur le moment, non. Et puis quand on a annoncé qu'on allait grimper jusqu'au château, alors là, impossible de trouver un paysan pour nous guider. Enfin, juste un jeune homme qui nous a été recommandé par le pope. Un type pas très causant. À la limite de l'idiotie. C'est peut-être pour ça que le pape vous l'a recommandé. Je pense, oui. Enfin, nous sommes partis. Et comme nous traversions le village, j'ai vu des femmes faire le signe de croix sur notre passage, ce qui nous encourageait beaucoup. Ça. Mmh. Là, je me suis dit qu'elles devaient tout simplement croire à la légende de Dracula et qu'elles nous prenaient vraiment pour des dingues. C'est quand même pas très rassurant, tout ça. Non, pas. Et quand on est comme moi, un solide rationaliste... Et votre historien, lui, alors ? Bon, lui non plus, il n'était pas très à l'aise. Enfin, c'était un esprit fort et il a pris sur lui. Alors, vous avez quand même grimpé jusque là-haut. Oui, ce n'était pas tout à fait une promenade de santé. Hein. C'était une escalade qui n'était pas facile du tout, avec une nature hostile, des bestioles, enfin bref. Et puis tout en haut, le château. Quand je dis le château... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Bah, écoutez, non seulement il y avait des ruines, des murailles totalement éventrées, des tours effondrées avec des trous partout, mais on se rendait compte tout de suite que l'édifice avait dû être assez modeste. Ce n'était pas immense du tout. Ouais, non. D'un seul coup, là, c'est l'imagination qui en prenait un coup. Si ouais, en tout cas, on était loin de se trouver devant ce fameux château de légende où Dracula dormait dans son cercueil, non ? Alors, qu'est-ce que vous avez fait là-haut ? Bah, écoutez, je ne savais pas encore, mais mon ami historien avait décidé de passer la nuit là-haut. Quel intérêt ? Bah, il voulait donner une leçon aux villageois d'Arefou. Leur prouver qu'il n'y avait aucun danger, que l'esprit maléfique de Vlad l'Empaleur avait depuis très longtemps déserté ses ruines. Alors, vous, comme je vous connais bien, vous êtes resté avec lui, bien sûr. Pas de très bon gré, mais enfin... Pas de bon gré, mais enfin, vous êtes quand même resté à passer la nuit dans le château de Dracula. J'avoue que ce fut une des pires nuits de ma vie. Ça a d'abord commencé par la disparition du guide. Leader du village, hein ? Oui, et le pire, c'est qu'on ne l'a même pas vu partir. Et puis, dès la nuit tombée... Il y a eu les bruits. Quels bruits ? Bah, des bruits dans les ruines, puis autour de nous, dans la montagne, les cris des animaux, des renards et même des loups dans le lointain. Oui, mais dans les ruines, vous avez dit, dans les ruines. Bah oui, dans les ruines, en pleine nuit, c'est difficile à dire. Quand il fait encore jour, on avait bien remarqué que ça pullulait de serpents. Enfin, les serpents, ça fait pas énormément de bruit quand même. Alors on écoutait. Et autour de notre feu, j'avoue qu'on n'en menait pas très large. Enfin, le pire était à venir. Tout à coup, mon ami historien a poussé un cri. Il s'est dressé, les bras en l'air, épouvanté. Et j'ai vu, distinctement à la lueur du brasier, la forme d'une énorme chauve-souris. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous, page pervers, courez au cimetière, prenez de ma part, mes amis nécrophages. Voici mon message. Cauchemars, fantômes, squelettes, les cifs flottés aux idées noires, près de la mare aux oubliettes, venus du sphère obligatoire. Lutin, lucioles, feu follet, elfes, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu de dû me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, vous avez remarqué. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubrique vestale, égéries insatiables, chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale, qui charment nos âmes envahies par la mélancolie. Envoie satyre joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. France Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Le vampire, tout le monde le sait, est d'abord une espèce de grande chauve-souris qu'on trouve en Amérique du Sud et qui, à l'occasion, se nourrit du sang des mammifères. Les chauves-souris européennes sont beaucoup plus paisibles. Mais bien qu'elles soient inoffensives, elles ont de tout temps fait peur. En Roumanie, par exemple, elles ont toujours eu la réputation d'attirer le malheur. On raconte que certaines chauves-souris sont même susceptibles de mordre. Et leurs victimes humaines deviennent folles après cette morsure et n'ont de cesse de mordre à leur tour. Ce qui, admettons-le, ressemble étrangement au comportement d'un chien ou d'un renard atteint par la rage. Après tout, peut-être faut-il y voir l'origine du mythe du vampire. En tout cas, il est intéressant de noter que le folklore de ces régions associe la chauve-souris au vampire, être démoniaque, qu'on représente là-bas sous la forme d'un serpent ailé, c'est-à-dire un dragon, le nom même de Dracula. Mais retrouvons M. X dans le nid d'aigle de Vlad l'Empaleur. On a beau avoir les pieds sur terre, je vous avoue que la brusque apparition de cette bestiole volante, ça fait un drôle d'effet. Puis, oh, comment dire, l'historien et moi, on était en condition. Malgré nous, on s'attendait à quelque chose. Vous ne vous attendiez quand même pas à voir apparaître Dracula. Bien sûr que non, non. Non, mais vous comprenez, il y avait la nuit, il y avait la mystérieuse disparition de l'idiot, et puis tous ces bruits, puis d'un seul coup, là, cette espèce de chauve-souris. Mais est-ce qu'elle vous a attaqué, la chauve-souris? Oh non, pas du tout. Mais nous avons attendu l'aube, je vous avoue, avec une certaine impatience. Et alors maintenant, vous avez une explication sur les bruits du château, là, dans ce des château rats. Mais des rats par centaines. Donc, en tout cas, aucune trace de Dracula. Non, non. Non, mais enfin, vous conviendrez que là-haut, il y avait tout de même tout pour croire à son existence. Alors, au matin, vous êtes redescendu au village, j'imagine. Oui, malgré l'absence de notre fameux idiot, là. Enfin, on s'est débrouillé comme on a pu. Et dans le village, comment on vous a regardé à votre retour? Je ne vous dirai pas qu'on nous a regardés comme des héros. Enfin, quand même, on les avait bluffés, comprenez? Et puis, ça nous a été bien utile par la suite. Enfin, n'allons pas trop vite parce que nous n'étions pas au bout de nos surprises. À raconter. Ça a commencé par une confidence du pope. Il nous a dit qu'un vieil homme du village était mort quelques mois plus tôt. Et à cette occasion, un parent de ce disparu était venu lui demander de lui prêter la clé de l'église. Naturellement, nous a dit le pope, j'ai refusé avec indignation. Pourquoi de l'indignation? Parce que le pope savait quelle utilisation cet homme voulait faire de la clé de l'église. Bon, et là, nous revenons directement au vampirisme. La famille du mort pensait, en effet, que ce vieillard, qui paraît-il était très méchant, était susceptible de devenir un Moroï. Un Moroï, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, un Moroï, c'est, comment dire, un mort-vivant. Comme Dracula, quoi. Exactement. Bon, on a beau le coucher dans son cercueil, l'enterrer, rien à faire, il ne meurt jamais. Son corps ne se décompose pas, ses cheveux, ses ongles continuent à pousser. Et la nuit, comme tous les morts-vivants, il sort de son cercueil pour aller dévorer les vivants. Surtout les enfants, d'ailleurs. Et à l'époque, donc vers 1950, hein, oui. les habitants de ce village croyaient encore à ces fariboles. Oui, dur comme fer. Alors, il y avait une technique pour empêcher le disparu de devenir un Moroï. C'était, avant de l'ensevelir, de marquer sa nuque au fer rouge. Et pour obtenir des résultats encore plus radicaux, le mieux, c'était d'utiliser la clé de l'église, un objet béni, s'il en était un. Donc, la clé rougie au feu, la clé de l'église, c'était ça. Oui, oui, oui. Donc, si le curé a refusé de donner sa clé, comment ont fait les villageois? Écoutez, ils ont pris un morceau de ferraille, ils ont brûlé la nuque du mort et ils l'ont enterré. Mais ce n'était pas suffisant. Et le fameux vieillard méchant est quand même devenu un Moroï. Donc il a mangé des enfants. Non, pas tout de suite. Il s'est d'abord manifesté à sa femme. La vieille, en apercevant son mari défunt, a aussitôt compris. Son compagnon était devenu un Moroï. Et elle a donné l'alerte. Un peu tard, car l'un de ses petits-enfants est subitement mort. Et pour la population, il ne faisait nul doute que c'était le Moroï qui l'avait tué et qui l'avait vidé de son sang. Vous voyez que Dracula n'était pas très loin. Et bon... Admettons, hein. Mais alors, comment ces villageois se sont-ils débarrassés de ce Moroï sanguinaire? Justement, c'est là où je voulais en venir. Parce qu'à l'époque où nous nous trouvions dans ce village de Transylvanie, le Moroï sévissait toujours. Hein. Et nous allions avoir la chance d'assister à une cérémonie absolument hallucinante. Je m'aimerais table. Garde-toi avec moi, jouer, garde-toi. Garde-toi avec moi, jouer, jouer, garde-toi. Garde-toi avec moi. Garde ce tombe avec moi, le vampirisme. Je me suis reporté à un très intéressant ouvrage du docteur Goëns, Loup-garou, vampires et autres monstres, ouvrage paru aux éditions du CNRS. Voici ce que j'y ai glané. Traditionnellement, écrit l'auteur, le vampirisme actif résulte de la non-libération de l'âme après la mort et constitue donc une manifestation de damnation. C'est à Mampen, ce vampire actif a le teint pâle, les oreilles pointues, une bouche et des lèvres rouges, une haleine putride, de longs ongles griffus. Et le docteur Goëns, qui est dermatologue, de donner une explication médicale à cette description. L'agent du vampirisme serait une maladie du sang appelée porphyrie. Ses symptômes sont en effet la pâleur, une pilosité importante, la présence de canines acérées à cause de déformations dentaires, la coloration en rouge des dents et des lèvres, parce qu'il s'y dépose des porphyrines. Enfin, le malade, qui est photosensible, ne peut sortir que la nuit. Avouez que ça ressemble au personnage traditionnel de Dracula. Encore trois éléments troublants. Premièrement, il semble que dans les Carpates, donc en Roumanie aussi, on trouve un taux anormalement élevé de malades atteints de porphyrie. Deuxièmement, le traitement habituellement prescrit est la saignée. Et enfin, une substance contenue dans l'ail a la propriété de favoriser l'apparition de crises de porphyrie. Dracula, toujours. Alors, cette cérémonie, qu'est-ce que c'était ? Bon, je crois vous avoir dit que juste après notre expédition au château de Vlad l'Empaleur, nous avions gagné, tout au moins, si ce n'est pas la confiance, en tout cas le respect des villageois. Mmh. Donc le soir même, ils nous ont invités à les suivre. Ils étaient une bonne trentaine d'hommes à peu près. Je dois dire que tous avaient beaucoup abusé de l'alcool, sans doute pour se donner du courage. Et où êtes-vous allé ? Au cimetière. Il faisait nuit noire. Quelques hommes portaient des torches, d'autres des pelles, des pioches. Et là, ils se sont arrêtés devant une tombe. Ils ont commencé à creuser et en tremblant, ils ont sorti un cercueil en bois. J'avoue que mon ami et moi-même, on regardait cette exhumation avec une stupeur de plus en plus grandissante. Et cette tombe, c'était la tombe du fameux Moreuil ? La tombe du méchant vieillard. Et alors là, la suite a été absolument étonnante. Toujours en tremblant, ils ont chargé le cercueil sur une charrette sur laquelle ils avaient déposé des bûches, des fagots. Et ils sont partis vers la montagne. Et vous les avez suivis ? Mais naturellement. Arrivés dans une sorte de clairière, ils ont posé le cercueil à terre. Et l'un d'eux, un peu plus courageux que les autres, a ouvert le couvercle. Et à l'intérieur ? Bah, il y avait un cadavre, assez bien conservé, hein, un peu gonflé, c'est tout. Enfin, je n'étais pas si prêt pour le sentir. Et je vous jure que c'était bien un cadavre et pas un mort-vivant. Enfin, mon ami et moi devions peut-être être les seuls à le penser. Et à penser que ce n'était pas un Moreuil. Oui, oui, parce que les villageois, eux, pensaient avoir affaire à un monstre. D'ailleurs, s'il était gonflé, c'était à cause du sang des enfants qu'il avait mangé. Bon, que s'est-il passé après ? Bah écoutez, ils ont allumé un grand feu. En poussant des cris, ils ont jeté le corps sur le brasier. Bon, tout ça, comment vous l'expliquer ? C'était complètement fou, c'était démoniaque. Le lendemain, les villageois nous ont pris à témoin. Vous avez vu comme il gigotait dans le feu, comme il gémissait ? Mais c'est vrai qu'il gigotait ? Non, bah il brûlait comme tous les cadavres, il s'agitait en brûlant. Ouais. Alors, si je comprends bien, c'est ainsi que s'est terminée votre aventure en Transylvanie ? Et non, non, non. Parce que nous avions encore quelque chose à découvrir. Mon ami, donc l'historien, était étonné par l'attitude de ces villageois à l'égard de Vlad l'Empaleur. On sentait qu'ils en avaient encore peur et en même temps, ils lui vouaient une sorte de vénération bizarre. Non ? En fait, bon, nous avons compris. Ils étaient persuadés que Vlad reviendrait un jour. Vlad, une sorte de messie, au fond. Plutôt de libérateur, en tout cas. N'oublions pas que la Roumanie était alors communiste. Eh bien, ces villageois pensaient que Vlad l'Empaleur viendrait chasser les communistes, comme autrefois il avait chassé les Turcs. Et pour eux, pauvres paysans, c'était très important. Pourquoi ? Parce qu'un jour, les ancêtres de ces villageois avaient aidé Vlad à fuir les Turcs alors qu'il était encerclé dans son château. Et pour les récompenser, Vlad leur avait donné en toute propriété les terres qui s'étendaient de son château jusqu'à la plaine. Et à votre avis, ça c'était vrai ou c'était une légende ? Non. Parce que c'est pas une légende du tout, parce qu'un des descendants de ces villageois d'Arefou détient encore une peau de lapin sur laquelle le terrible Vlad l'Empaleur a signé cet acte de donation des terres. Donc, si je comprends bien, ces paysans voulaient faire valoir cet acte de propriété. Oui, mais alors pour obtenir la possession de ces terres, il fallait d'abord que les communistes soient chassés, avec ou sans Vlad l'Empaleur. Dans le livre de Macnoli et Florescu, que j'ai déjà cité, j'ai trouvé une mention de ces actes de propriété écrits sur des peaux de lapin. Il y en aurait eu 5. Et les auteurs affirment qu'ils seraient toujours en possession des descendants de ces paysans du XVe siècle. Il y aurait encore beaucoup à dire sur Dracula et son double historique, Vlad. Une seule anecdote, attestée par plusieurs chroniques du temps. Un jour, Vlad reçut à sa cour des émissaires du sultan. Ceux-ci étaient enturbanés et, fâcheux oubli, ont omis de se découvrir devant le prince. Vlad, outragé, leur a fait clouer leur turban sur le crâne. Et les malheureux émissaires ont agonisé dans une mare de sang sur les marches mêmes du trône de Vlad l'Empaleur. À samedi.